un homme à parler sur la radio luxembourgeoise. Un cri d'alarme à lancer, un grand appel au secours. L'insurrection de bonté, le plus touchant des discours. Ce jour-là a suscité le plus grand élan d'amour. Mon frère, mon père, a fait la guerre, la misère, roi de l'hiver. Mon frère, mon père, a su que faire. Bien sur terre, la vie tout entière. Une femme est morte de froid, elle gisait là dans la rue. Les gens en plein désarroi, sans pas plus d'un presque nu. Et l'appel fut entendu par tant de générosité. À cause de cet inconnu, tant de gens furent sauvés. Mon frère, mon père, fait la guerre. La misère, froid de l'hiver. Mon frère, mon père, a su que faire. De bien sur terre, la vie tout entière. L'hiver n'auront plus le droit de virer leur locataire. Tapés porteurs d'espoir, de tous les déshérités, il est entré dans l'histoire des fêteurs d'humanité. Mon frère, mon père, la guerre, la misère, froid de l'hiver. Mon frère, mon père, a su que faire. Le bien sur terre, la vie tout entière. Mon frère, mon père, a fait la guerre. À la misère, roi de l'hiver. Mon frère, mon père, t'as su que faire. De bien sur terre, ta vie tout entière. Mon frère, mon père, mes amis, on se couvre. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.